Aventure d'Alice au pays des merveilles, écrit par Lewis Carroll, lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre. Une descente chez messieurs les lapins. Mademoiselle Alice commençait à en avoir assez d'être là, assise sur un mauvais banc, sans rien faire, à côté de sa sœur aînée, qui lisait un bête de livre sans image ni dialogue. « Je vous demande un peu, » pensait Alice. « Est-il possible de s'amuser avec un livre où il n'y a ni image ni dialogue ?» Elle remua dans sa tête quelques projets. Pas beaucoup, il faisait si chaud. Elle se dit, par exemple, que ce serait peut-être gentil de jouer à faire un collier avec des marguerites. Oui, très gentil. Mais, et la peine atroce de se baisser et de faire la cueillette d'abord. Tiens, un beau lapin blanc qui passe, là, tout près d'elle, un beau lapin blanc avec des yeux rouges. Alice admira, mais ne fut pas autrement surprise. Il n'y a rien de si extraordinaire, n'est-ce pas, dans le fait de voir passer un lapin blanc devant soi. Elle commença cependant à s'étonner un peu quand elle entendit, oh, très distinctement, Monsieur Jeannot se dire à lui-même « mon ami, tu vas arriver trop tard ». Et quand elle vit le même Monsieur Jeannot mettre sa petite patte blanche dans une poche de son veston, tirer une montre et regarder l'heure, alors Alice se demanda un peu si elle ne rêvait pas. Entraînée par une curiosité bien excusable, elle courut derrière le lapin et elle allait le rattraper lorsqu'il disparut dans un grand terrier sous une haie d'aubépine. La petite fille ne perdit pas de temps à réfléchir, ne se demanda pas s'il était aussi facile de sortir d'un terrier de lapin qu'il semblait facile d'y entrer, et bravement, elle pénétra la tête la première dans le grand trou sombre à la suite du Jeannot en veston. Le terrier formait sur quelques mètres un tunnel assez droit, puis il descendait si brusquement et si à pic que la pauvre Alice eut tout à coup la désagréable sensation d'être précipitée dans un puits très profond. Soit que le puits fût très profond, en effet, soit qu'Alice y descendit tout doucement, elle eut le loisir, au cours de sa chute, de bien examiner le paysage. Oh, un modeste paysage! Au-dessus et au-dessous d'elle, du noir, de l'ombre. Autour d'elle? Ah, autour d'elle, cela devenait plus intéressant. Figurez-vous que les parois du puits formaient des espèces de buffets à étagères, avec des pots, des assiettes, des verres, tout ce qu'il faut enfin pour bien manger. À un certain endroit, Alice eut le temps d'attraper un pot de confiture, sur le ventre rond duquel étaient écrits ces mots aimables, « marmelade d'orange ». Malheureusement, le pot se trouva vide, et Alice allait le jeter, c'est-à-dire le laisser tomber sous elle, quand l'idée lui vint qu'il pouvait y avoir du monde en bas et qu'elle risquerait de tuer quelqu'un. Alors la sage enfant replaça gentiment le pot vide à l'étage au-dessous, comme elle passait, descendant toujours. « C'est égal, » pensait-elle, « après une chute comme celle-ci, dégringoler l'escalier à la maison me sera un jeu. » Papa et maman en seront tout étonnés et me trouveront très brave. Je ne dirai d'ailleurs rien à personne de cette aventure, même si je tombe un jour pour m'amuser du toit de notre maison. » Et Alice descendait toujours. « Mon Dieu, mais cette chute n'aura peut-être jamais de fin. Combien de kilomètres ai-je déjà fait de haut en bas ? Je ne dois pas être loin du centre de la terre. Oui, c'est cela, 100 kilomètres pour le moins. » Dame, Alice avait appris pas mal de choses à l'école, Et bien que ce ne fût pas tout à fait le moment d'étaler ses connaissances, elle n'en était pas moins édifiante d'instruction. Oui, je ne suis pas loin du centre de la Terre, c'est certain. Mais encore me faudrait-il savoir à quelle latitude ou longitude je me trouve. À vrai dire, notre amie n'était pas très fixée sur le sens des mots longitude et latitude, mais elle estimait que c'étaient là de grands mots qui sonnaient bien. Qui sait, peut-être vais-je comme cela traverser toute la terre et me retrouver demain de l'autre côté du globe? Ah, ce serait drôle de sortir de terre chez les peuples qui marchent sur la tête et qu'on appelle les antipathes, je crois. Il me faudrait leur demander comment s'appelle leur pays. Pardon, monsieur, pardon, madame, est-ce ici la Nouvelle-Zélande ou bien l'Australie? Et Alice esquissait une révérence, ce qui n'allait pas sans quelque difficulté. Mais non, je ne demanderai rien du tout. Cela me ferait paraître la plus ignorante des petites filles, merci. D'ailleurs, il doit y avoir des écriteaux sur les routes dans ce pays-là aussi. Et comme elle descendait toujours pour s'occuper, elle continua à bavarder toute seule. Dina, ma petite chatte chérie, vous allez bien me manquer ce soir. Pourvu seulement qu'on n'oublie point de vous donner votre soucoupe de lait. Ah, Dina, je voudrais bien vous avoir là dans mes bras en ce moment. Il n'y a pas de souris par ici. Mais il y a peut-être bien des chauves-souris, et toutes ces bêtes-là se ressemblent, vous savez. Mais dites-moi, chérie, est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Dina ne répondit pas, vous vous en doutez, et Alice, d'ennui, se laissa volontiers gagner par le sommeil. Elle commençait à s'endormir, rêvant qu'elle se promenait au jardin, la main dans la patte de Dina, disant avec sérieux, « Les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chauves-souris mangent-elles les chats? Dina, avouez la vérité, avez-vous jamais croqué une chauve-souris? » Quand tout à coup, patapoum, poum, elle dégringola et s'étendit de tout son long sur un gros tas de bois et de feuilles mortes. Le plus étrange, c'est qu'Alice put se relever l'instant d'après et constater, en remuant bras et jambes, qu'elle n'avait pas le moindre mal. Devant elle s'ouvrait un long couloir. Le lapin blanc était là et disait, en marchant très vite, « Oh là là, par mes oreilles et par mes moustaches, comme je vais arriver tard !» Alice n'eut qu'une idée. Rejoindre cette fois coûte que coûte maître Jeannot, et elle courut après lui. Mais voici qu'au moment où elle allait l'attraper par le bas de son petit veston, le lapin tourna brusquement à gauche et disparut encore. Alice, elle, se trouva soudain au beau milieu d'une vaste galerie, éclairée par une rangée de lampes qui pendaient du plafond. Aux deux bouts de la galerie, un mur. De chaque côté de la galerie, des portes, mais toutes fermées à clé, hélas. Alice était prisonnière, seule, abandonnée dans le plus mystérieux trou du monde. La pauvrette alors se sentit devenir toute triste et se mit à réfléchir avec amertume sur les difficultés de sa situation. Comme elle se désespérait, elle aperçut soudain dans un coin de la galerie, une petite table à trois pieds, en verre massif. Il n'y avait rien sur cette table qu'une clé d'or minuscule, et la première idée qui vint à Alice fut que cette clé pouvait bien avoir quelque rapport avec les serrures des portes. Elle s'en saisit donc et l'introduisit dans la serrure de la porte la plus proche, puis dans toutes les serrures, mais ce fut en vain. La clé minuscule nageait dans les grands trous. Cependant, en cherchant mieux, Alice finit par découvrir, dans un autre coin de la galerie, et masquée par un rideau, une toute petite porte, haute à peine comme trois pommes, avec une serrure tout juste visible, où la clé minuscule se trouva d'ailleurs, allée fort exactement. Alice ouvrit cette porte et vit qu'elle donnait sur un étroit passage, pas beaucoup plus large qu'un trou de souris. Elle se mit à genoux, se baissa jusqu'à terre, jeta un coup d'œil par l'orifice et aperçut alors, à l'extrémité de la petite allée, un amour de jardin, le plus joli jardin du monde. Ah, qu'il eût été doux de sortir de cette froide galerie et de se promener là-bas parmi ces fleurs gracieuses à la chansonnette des fontaines en cascade. Mais quoi, la pauvre chérie ne pouvait même pas passer sa tête dans le cadre de la porte. Et d'ailleurs, se disait-elle avec toutes les apparences de la raison, cela ne m'avancerait guère de passer ma tête, puisque mon corps ne pourrait suivre. Et elle ajouta à haute voix, « Ah, si seulement je pouvais rentrer en moi-même comme une longue-vue !» Et comme elle émettait ce vœu fantastique, quelque chose lui dit qu'après tant d'événements déjà extraordinaires, il n'y aurait rien de si surprenant à ce que celui-ci se réalisât à son tour. Sur la table en verre, Alice aperçut bientôt une petite bouteille arrivée là par magie, vraiment, et dont le col était cravaté d'une étiquette de papier portant ces mots « Buvez-moi ». « Buvez-moi, sans doute, buvez-moi », voilà qui était bel et bon à dire, même par écrit. Mais la sage petite Alice n'allait pas faire une chose aussi hasardeuse sans prendre mille précautions. « Voyons un peu, se dit-elle, s'il n'y a écrit nulle part sur cette bouteille « poison ». Car elle avait lu d'effrayantes histoires où des enfants étaient morts dans des souffrances atroces, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas voulu tenir compte des bons avis de leurs parents. Par exemple, qu'il ne faut jamais boire le contenu d'une bouteille sur laquelle se trouve le mot « poison ». Cependant, la petite fiole trouvée sur la table de verre ne portait pas le mot terrible, et Alice s'aventura à goûter un peu au liquide qu'il y avait dedans. Cela avait un excellent goût mélangé de tarte aux cerises, de crème, d'ananas, de dinde rôtie, de café, de tartines chaudes beurrées. Et Alice n'hésita pas davantage. Elle but une grande gorgée, puis une autre, et vida ainsi la bouteille jusqu'à la dernière larme. Quelle étrange sensation, dit Alice en cherchant à se rendre compte de ce qui advenait. Il me semble, ma parole, que je rentre en moi-même, comme la longue-vue dont je parlais tout à l'heure. Et tel était en effet le miracle qui s'opérait. Notre amie se trouva subitement ne plus mesurée que la hauteur de deux pommes et demie. Loin de s'en plaindre, elle sauta de joie à l'idée que sa taille allait lui permettre de franchir la petite porte et de passer dans le jardin mignon. Elle attendit cependant quelques minutes, malgré sa hâte, pour voir s'il ne lui arriverait pas de rapetisser encore jusqu'à disparition complète. Car il pourrait se faire, pensa-t-elle, que je me consume entièrement ainsi, telle une bougie qui brûle. Et elle imagina la tristesse, le néant d'un pareil dénouement. Enfin, voyant qu'il ne se produisait plus rien de nouveau, elle se dirigea vers la petite porte. Mais hélas, trois fois hélas, quand elle y fut arrivée, Alice s'aperçut qu'elle avait oublié la clé d'or sur la table de verre, et l'idée lui vint immédiatement qu'à présent elle n'arriverait plus à l'atteindre si haut avec sa taille minuscule et ses bras longs comme des ailes de papillon. De fait, Alice, revenue près de la table, eut beau tourner, s'efforcer, Essayée de grimper après l'un des pieds, elle ne réussit qu'à voir d'un peu plus près, en levant la tête, la clé d'or qui, à travers la table transparente, la narguait sans pitié. Pauvre Alice! Quand elle fut à bout d'efforts, elle s'assit sur un bouchon qui se trouvait là par hasard et pleura toutes les larmes de son cœur. « Voyons, il n'y a pas de raison de pleurnicher comme cela, » se dit-elle à la fin et d'un ton plutôt sévère. « Je vous ordonne, mademoiselle Alice, de cesser immédiatement. » Car bien qu'elle les suivît le moins souvent possible, elle avait ainsi coutume de s'adresser à elle-même les plus sages avis du monde. Quelquefois, elle se grondait si fort que les larmes lui en venaient aux yeux. Un jour, elle s'administra une maîtresse claque parce qu'elle avait triché dans une partie de croquet, qu'elle jouait d'ailleurs toute seule, contre elle-même. Car cet étrange enfant aimait à se donner l'air d'être deux personnes. Mais ce n'est pas le moment de vouloir être deux personnes, pensait-elle avec quelque esprit dans sa condition actuelle. Vraiment, il reste à peine assez de moi pour faire convenablement une seule personne. Comme elle y rêvait, ses regards tombèrent sur une petite boîte qu'une main invisible avait déposée dans un coin de la galerie. Elle s'en saisit, l'ouvrit et trouva un gâteau qui portait, joliment dessiné avec des raisins de Corinthe, les deux mots « mangez-moi ». « Allons-y et mangeons ce gâteau, » se dit Alice carrément. « S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. Et s'il me fait devenir plus petite encore, je pourrai me glisser sous la porte. Ainsi, de toute façon, je m'introduirai dans le jardin. Et alors, advienne que pourra. » Elle croqua donc un petit morceau du gâteau et tout de suite s'interrogea anxieusement. Qu'est-ce qui va se passer? Elle mit ingénument sa main gauche au-dessus de sa tête, comme un niveau dont elle allait ou bien se rapprocher ou bien s'éloigner. Mais il ne se passa rien. À la vérité, c'est ce qui arrive généralement quand on a mangé un petit morceau de gâteau, et même un gâteau tout entier. Mais Alice ne pouvait plus admettre qu'il ne lui arrivât que des choses ordinaires. Elle pensa que l'effet ne se produirait peut-être qu'après qu'elle aurait mangé tout le gâteau. Et comme ce raisonnement n'était pas pour déplaire à sa gourmandise, je vous laisse deviner ce qu'elle fit de cette agréable pâtisserie.